Soyez heureux, pauvres mortels de bas étage, puisque nous, vos réanimateurs, daignons une fois de plus ce soir vous lacérer le pruneau qui vous sert de cerveau avec nos bombes à projection métallique. Ne reculant devant rien, Sinistros et moi, la Dr. Pain Pendragon, nous nous abaissons, encore une fois, à votre niveau intellectuel, qui se compare à celui d'un popsicle, afin de vous divertir pendant les trois prochaines heures. Réjouissez-vous dès maintenant, pendant qu'il en est encore temps, parce qu'après ce traitement, ce sera à notre tour de prendre notre pied en vous contemplant réduit à l'état de légumineuse. Voici réanimation, extended version. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant qui ont pour valet les quatre cavaliers de l'apocalypse. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, 'cause fear is our fucking business. We are undead, incorporated, because we fucking said so. Go.

Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de Réanimation en ce 22 mars de l'an de Disgrâce 2011. Je suis le Dr. Payne Pendragon et je suis accablé de ce que je pourrais qualifier de la mort noire. Sinistre peste rose. Et rose en plus, rose. De la peste rose. Oui. T'es-tu ennuyé? Oh, c'est effrayant. Moi aussi, je me suis énormément ennuyé. De ne pas me voir la face. Exact. Mais je m'ennuie de mardi passé de ne pas avoir été. De n'être pas en ta compagnie. Ben, c'est ça. C'est ce que je m'ennuie ce soir. Ça va être un peu plus pénible parce que le retour étant brutal du fait qu'on va être 3 heures. Oui, 33% de plus. Effectivement. La semaine dernière, je n'ai pu assister à l'émission. En fait, j'ai carrément pas pu assister à grand chose la semaine dernière. Non, t'étais pas très assistant non plus. Non, j'étais pas très présentable, effectivement. J'avais attrapé un méchant virus printanier. C'était une bonne idée que je demeure dans une position tout à fait horizontale. Virus printanier, j'aime bien. Oui, ben c'est pour rester poli. Hein? Oui, c'est ça. Il y a peut-être des gens qui sont en train de finir de souper. Mais nous nous reprenons. Et d'ailleurs, Sinistros, bon, vous savez que si je suis pas là, Sinistros est un petit peu perdu, donc il n'aurait pas trouvé son chemin. Je sais pas comment les pitons fonctionnent. Il n'y en a pas de pitons, tout marche par la pensée. Ah oui. Et c'est impossible dans ton cas de faire fonctionner. C'est ça, ça fonctionne. Exactement. Pas. Donc, on se reprend un peu cette semaine. On l'a pas vraiment annoncé parce qu'on a décidé à brûle-pourpoint, bon, à début de week-end dernier, de faire un 3 heures. On avait l'opportunité de le faire ce soir. Donc, il se pourrait que ceux d'entre vous qui se syntonisent à 9 heures aient manqué la première heure. Il y a bien des chances. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ainsi que fonctionne la vie. Elle est tout à fait injuste et cruelle. Mais on a beaucoup de stock ce soir. Oui. Sinistros présente trois formations. Hey, on a 4 albums à présenter ce soir, c'est bien. Absolument. Moi aussi, j'ai une formation à présenter. Mais, à l'instant, ce qu'on vient d'entendre, c'est la formation Graves of Valor. Et la pièce, c'est une formation qui vient des États-Unis d'Amérique. Suffocation of the Last King, que l'on retrouve sur Solarian Gate, qui est paru en 2009 sur Relapse. Juste auparavant, nous avions la formation italienne. Que dis-je? Necrosphere et la pièce Biomechanical Death Machine que l'on retrouve sur l'album Revived qui est paru en 2002 sur Die Hard Music. Die Hard qui est un label sponsorisé par Bruce Willis. Oui, effectivement. Il y a le 1, 2, 3, 4. C'est exactement ça. Auparavant, nous avions Scent of Flesh, formation qui vient de la Finlande. La pièce Cursed to Suffer que l'on retrouve sur Roaring Death of Insanity qui est paru en 2003 sur Black Lotus. C'est quoi, c'est le nom du label, ça? Non, c'est le nom de l'album. OK. C'est calé, ça. Une mouche. Ouais. Non, le nom de l'album, c'est Black Lotus. Puis le nom du label? Excuse-moi. Okay, le nom du label. Et le nom de l'album, c'est Roaring Death of Insanity. Je pensais que c'était le nom du label. Seigneur, ça ne lui tentait pas de faire plus court. Ouais, avec un nom comme ça, là, ils ont besoin d'avoir un deuxième panneau sur le CD pour pouvoir marquer juste pour le nom du label. Exactement. Nous avions la formation suédoise This Handing et la pièce Plague Angel tirée de l'album Inside the Machine de 2006 sur Metal Blade. Et nous avions ouvert avec la formation allemande Disaster et la pièce Angel Extermination tirée de l'album 666 Satan Soldier Syndicate qui est paru en 2007 sur Metal Blade. J'aime bien et également. Oui, c'est bien. Oui, oui. Le band est assez bon aussi. C'est un mélange de black trash. Il y a des pièces qui sont... Bon, l'album n'est pas très égal, mais il y a au moins 3 à 4 bonnes pièces. Donc, c'est un yes, pas un wow. C'est un yes. OK. C'est un yes. C'est un album de yes qui porte le nom de 666... Fragile. Oui, 666 Fragile Seven Soldiers Syndicate. Pour ceux qui se demandent de quoi qu'on parle, parce qu'on a émis... On a mis un genre de barème musical oui. De ce qu'on passe. Yes, c'est pour un album passable. Intéressant. Wow, c'est là, ça nous a jeté à terre. Puis tabarnak, parce que là... Là, ça chie les tacs. Là, oui, ça, là, c'est vraiment des tacs pointus en plus. Effectivement. Je dois vous dire que... en fait, je vais faire une brève annonce là pour revenir au spectacle un peu plus tard. C'est que le 29 avril, dès 19h, au Fonds électriques, c'est le retour de Razor, qui seront en compagnie, entre autres, de Riotor et Fuck the Middle East. Fuck the Middle East, c'est le band hommage à Stormtrooper of Death, dans lequel joue, entre autres, Jeff, avec qui j'étais hier soir pour aller voir le spectacle de April Wine, qui n'a aucun rapport avec le métal, évidemment, mais qui est une excellente formation. Et Jeff m'a demandé, est-ce que, il m'a supplié à genoux en pleurant, est-ce que on pourrait, ben, en fait, il voudrait venir minimalement avec, avec Bard, qui est le drummer de son band, et peut-être même leur guitariste-chanteur, pour venir faire une espèce d'émission spéciale. Oui, ils vont jouer live ici. Ils vont jouer live ici, effectivement. Ça risque d'être manqué de place. Mais... manqué de place! Ouais. Non, mais avec des boîtes de Pringles en guise de drum puis une coupe de guitare en carton. Là, ben, des boîtes de souliers des élastiques. Là. Oui, oui. Ouais. Non, pour venir faire un spécial Razor et SOD, donc il est fort possible que ça se fasse d'ici la fin du mois d'avril. Parce que le spectacle étant le vendredi le 29, ben, idéalement, il faudrait que ça se fasse comme le mardi précédent. Ouais, faudrait pas faire ça le 30, hein? Ça serait une maudite bonne idée. Je l'ai-tu dit d'autre chose, moi? Non. C'est ça, bon. Ben, c'est ça, je disais. On a une grosse émission ce soir. Sinistros a 3 albums à nous présenter, dont un très bon album qu'on a parlé ben, l'avant-dernière. Finalement, j'ai un album, un mini-album de 3 pièces du groupe québécois Val Freya. Mais j'ai un « wow » et j'ai un « tabarnak » à vous présenter aussi. D'accord. Moi aussi, j'ai un... Moi, j'arrête... Écoute, on pardonnez-nous, chers auditeurs, d'employer un langage aussi gras, mais j'ai un asti de colis de tabarnak à passer. Non, blague à part, je vais présenter, un 5 pièces incluant l'introduction de l'artiste Tyrant of Death. Non, ça c'est malade, ça. Ça c'est, oh, c'est malade. Ça c'est mon gars, là. C'est disjoncté. C'est un artiste canadien de Toronto du nom d'Alex qui fait à peu près tout là-dessus. Là. Ben, je dirais pas à peu près tout. C'est très, très instrumental, quelques samplers de voix, mais c'est comme assez disjoncté. Je dis que c'est le dernier album. Mais en fait, il vient d'en sortir un autre récemment. La semaine dernière, j'ai vu qu'il y avait un autre qui était sorti qui n'est pas extraordinaire. Il n'est pas bon? Ben, je le trouve beaucoup moins fort que Dark Space. Donc, je ne vais pas changer mes plans. J'ai conservé Dark Space parce que c'était la semaine dernière, c'était encore le dernier à être paru. Là. OK. Bon. Bref, ceci est. Il y en a apparu un en dedans d'une semaine. Il en apparaît tous les jours. Ah, c'est le fun. Mais il est très productif. Moi, je sors un album par jour. Il fait 10 pièces par jour. Moi, je fais 365 albums par année. Et oui, arrête. Ça veut dire 3650 pièces fois 10. Non, 3, non, 300. Non, mais vu qu'il 3000, joue. C'est ça. Moi, je joue du grain parce que je mets 28 pièces par album. De 30 secondes chacune. Oh, wow. Il va 15 secondes sans combien. Ouais, c'est vrai. Bref, grosse émission. On va aller en pause publicitaire et on vous revient avec la présentation de ce cher Sinistros avec la formation québécoise Val Freya. Les mardis de la relève du Gambrinus. Tous les mardis dès 21h, viens découvrir des bands qui ont du talent. Nombreux prix de présence. Les gagnants de cette 14e édition mériteront plus de 10 000 $ en prix, dont des séances d'enregistrement studio et de la diffusion sur les ondes de C'est Fou. Les mardis de la relève du Gambrinus, une collaboration frère d'Anc, TV Cogeco, La Barrique, Festivois, le studio Voxtone, musique Daniel Côté, studio Newton, production Joshua et C'est Fou 89.1. Mettez-vous en plein la vue sur la relève. Du 5 au 23 avril, au Rialto, La Tulipe, Lion d'Or, Gymnase, Divan Orange et au Mai. 15 soirées exaltantes où originalité, nouveauté et découverte sont au menu de cette manifestation printanière unique. Ici Isabelle Blais, porte-parole du 16e Festival Vue sur la relève, commandité par Loto-Québec en collaboration avec Québecor. Venez découvrir 38 nouveaux spectacles. Des créateurs de toutes les disciplines des arts de la scène vous en mettront plein la vue sur la relève. C'est un rendez-vous. Information vuesurlarelève.com. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Vous êtes étudiant en génie? La Banque nationale vous accompagne pendant vos études et vous offre un programme financier très avantageux, conçu pour vous et adapté à vos besoins. Rencontrez un conseiller dès aujourd'hui à votre succursale au 5620 boulevard Jean-23 pour en savoir plus. De plus, courez la chance de gagner un voyage dans les Alpes. Tous les détails sur banquedesingénieurs.ca. La Banque nationale, votre partenaire durant vos études. 89. Ah, c'est fou, là, vous. We're back. Bon, Sinistros, t'as des choses à nous proposer. Eh bien, oui, une formation québécoise de Montréal, Québec. Formation Val Freya qui fait un genre de musique. Musique. Tu peux être un peu moins précis? Ben, ils font de la musique avec des instruments. Ah, bon, il fallait le dire. Okay. Non, formation black metal folklorique. Qui nous vient de Montréal, qui a été fondée en 2009. C'est composé de Crapule à la voix, de Grast à la guitare, Carnage à la basse, Marjay à la batterie et Shark au clavier. Ils ont sorti en octobre 2010 un mini-album de trois pièces qui s'appelle First Chronicles, que je vous présente en entier ici à Réanimation. Mm-hmm. Puis c'est assez intéressant. C'est pour les fans de Moon Sorrow et compagnie, vous allez vous retrouver très, très facilement dans la musique de Val Freya. Ben allons-y. On va partir avec la pièce Deity's Grace. Et c'est paru en octobre, l'étiquette indépendante. Go. Reminds me of a life story. 20h55. Hein? Ouais, c'est ça. 2, 0, 2.55, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Ça doit être l'heure, ça. Ça doit ressembler à ça. OK. C'était la formation montréalaise Valfreya avec les pièces Confront Man City, Inferno et DT's Grace qu'on retrouve sur First Chronicles qui est paru en octobre 2010. C'est une parution indépendante. Bon, écoute, moi, je vais te dire mon appréciation de cette formation-là. J'ai pas... ça vient pas me chercher. Non. Il y en a des comme ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas venu me chercher, malheureusement. Ben, je dis pas que c'est pas correct, là. C'est juste que moi, ça me convient pas. Ben, oui, mais toi, on sait, t'écoutes du... Moi, j'écoute juste du death. OK. Non, c'est pas vrai. Non, je sais pas. Il y a de quoi dans ça que, qui me plaît pas. C'est peut-être pas juste, c'est peut-être pas assez pesant. Ouais, ça se peut. Peut-être que la production y fait pour quelque chose. Peut-être. La production est un peu légère, là. Oui, c'est peut-être ça. Mais bon, c'est une appréciation personnelle, c'est subjectif. Bien sûr. Sûr. Alors, bon. On passe à un autre appel. Ben, c'est ça. On va y aller avec une petite section, portion, que dis-je, spectacle. Pour pestacle. Mais oui, c'est bien cela. Trois-Rivières Metal présente samedi le 2 avril au Rock Café Le Stage, situé au 75 rue Fusée Trois-Rivières. Dès 19h30, les formations, ben, en fait, c'est un spectacle 100% trash qui met en vedette Reanimator, Fog the Middle East, qui se veut, comme on l'a dit tout à l'heure, un hommage à SOD et Alcoholator. Bon, c'est bon, c'est très, beau, c'est bien. D'accord. Un bon trash là, du Québec. Là. D'accord. Donc, ça, c'est samedi le 2 avril, comme je l'ai dit. L'ouverture des portes à 19h30. Le spectacle débute à 20h. Il en coûte 7$ et c'est pour tous au Rock Café Le Stage. Et on vous rappelle, côté production 3V Metal, que le Metal Fest 2011, c'est-à-dire la 11e édition, se tiendra cette année, toujours à la bâtisse industrielle. Mais cette fois-ci, les vendredis 14 et samedi 15 octobre. 2 avril également au centre-ville, au Nord-Ouest Café, le lancement d'album de Beyond Atrocity avec Hopeless Nation et State of Mind. On recevra Beyond Atrocity ici en onde mardi prochain, le 29, ouais, pour la présentation du mini-album. Il est à noter qu'au spectacle, Beyond Atrocity vont faire la présentation de leur premier vidéoclip également. D'accord. Donc, les membres de... Est-ce que c'est l'ensemble des membres qui vont être ici la semaine prochaine? Oui, oui. J'ai eu la confirmation que les 5 membres étaient pour être ici. Ils vont en avoir une coupe debout? C'est tout. Ils seront debout. C'est de la rotation. C'est ce que je leur ai dit. D'accord. Pour les amateurs de death metal, comme je le suis, excellente nouvelle après, ma foi, pratiquement... plusieurs années? Ben, pratiquement 7 ans. Plusieurs décennies. La mythique formation Morbid Angel lancera son nouvel album ici en Amérique du Nord, soit le 7 juin prochain. L'album portera le nom de Illo Divinum Insanus. J'ai eu oui dire qu'il faut attacher nos trucs. Ben, écoute, c'est le premier album qui va être sorti avec la formation originale depuis bien longtemps. Mmh. Donc, ça risque d'être assez, je dirais, marteau. Ils vont être sortis sur l'album, que je dis là, sur le label Season of Mist, ici en Amérique du Nord pour le moins. Selon ce que j'ai pu lire à gauche et à droite sur le net, il semblerait que ce qui a été dévoilé jusqu'à présent est vraiment pas reposant. Il devrait y avoir une pièce qui porte le titre de Nevermore qui devrait être disponible à partir du 16 mai en version 7 pouces Collector Edition Vinyl. Donc ça risque, en tout cas ça c'est certain que je vais me le procurer là. Et en version digitale download, évidemment, là, probablement à partir du site officiel de Morbid Angel. C'est le fun, les bands qui sortent des vinyles comme ça. Oui, c'est super le fun. Ce qui est vraiment le fun, c'est que souvent, pour les amateurs comme, entre autres, toi et moi de vinyle, on peut se procurer la vraie plate, là, si tu veux, là, en format généralement de grosse qualité, mais on a aussi un code pour l'avoir en téléchargement. Ouais, ouais, bonne ça. Qualité MP3. Ouais. Là. Donc, ça nous permet d'avoir deux versions. Là. Je pense que c'est de plus en plus, là. Non, c'est le best, c'est parfait, ouais, ça. C'est ça. Ouais, c'est si l'industrie, pas la grosse industrie, mais la petite industrie qui est comme un peu plus underground veut réussir à survivre, face au téléchargement, et tout, il faut que tu offres faut que tu te mettes à offrir des trucs plus, de collection, comme des super digipacks avec un CD et un DVD dedans, ou trucs comme ça, tu sais. T'as un plus value. C'est ça. Faut que tu sois, t'as une forme de teaser pour le consommateur, parce que, je veux dire, acheter un CD proprement dit, ben, c'est un peu plate, là, dans le sens qu'il n'y a pas vraiment. Ben, surtout. C'est pas un bel objet, t'as surtout si, y a beaucoup de consommateurs qui se procurent des CD dans des grandes surfaces ou ce qu'ils prennent, un genre de pourcentage est énorme. Et ton CD que tu pourrais payer, mettons, 15$, taxe incluse, ben là, tu le payes 29,99$ plus taxe, mais ça n'a pas de Christine de montant, ça, là. Ouais, il y a beaucoup de manipulation, beaucoup de mains qui passent dessus. Tu sais, moi, j'ai eu ouï dire que c'est une certaine grande surface où il y a des gens que je connais qui travaillent, qui prennent jusqu'à 45% ces CD. Ça n'a pas de Christine de bon sens, ça, là. Non. Mais en fait, l'industrie, on en a parlé souvent, mais l'industrie du disque, généralement, n'a pas vraiment de bon sens. Non, c'est regarde, ça n'a pas de bon sens, prendre 45%, même, 20%, c'est une cote un petit peu raisonnable, c'est n'importe quel commerçant qui se prend ça, mais 40%, 45%, voyons donc. Ouais, puis ça, c'est parce qu'il faut que tu comptes aussi le fait que, avant de se rendre sur le magasin, le distributeur s'est pris une cote, puis le label s'est pris une cote, puis l'artiste, il reste quoi à lui? Il reste pas une Christine d'un. Ben, celui qui fait la livraison. Ben, c'est bon, c'est tout le processus. Fait qu'en bout de ligne, là, ce qui reste à l'artiste, là, c'est minime, là. C'est une pointe de tarte, subdivisée en 10, là. Pis c'est même pas celle d'Obélix, là, tu sais. Non. Ça aurait été un sanglier, est-ce qu'on l'a? côté spectacle à l'extérieur de la région immédiate, Brave Concert présente Accept et Sabaton, c'est dimanche le 17 avril, dès 20h au Club Soda. Le coût des billets, 31$ et une, et 35$44 plus taxes. Un billet VIP est au coût de 66$44 plus taxes. Les billets sont disponibles via les billetteries du Club Soda. Sepultura, Belphegor, 8, Keep Coffee Callison, Neuraxis, Bundled by Blood seront au Club Soda également. Mercredi, le 20 avril, dès 18h, il en coûtera 25$46, 29$84 plus taxes. T'as envie de me dire que le line-up est assez intéressant, sauf le headliner. Ouais, c'est pas mal ça. Finalement, t'as assez bien résumé la situation. Mm. Donc, les billets pour Sepultura sont également disponibles à la billetterie du Club Soda. Il y a Savarinx, on n'entend pas de dire ça. Savarinx. Avec Nevermore, Power Glove et Blackguard, c'est Symphony X, on va le dire. Métropolis, le 25 avril, de 19h. Je l'ai dit. À propos, m'accuser. l'émission, pas la semaine dernière, il n'y en avait pas, mais l'autre émission auparavant, Sinistros vous a proposé le dernier Destruction. Eh bien, ils seront en compagnie de Ethan, Warbeast et Talamis au Foufoune électrique lundi le 9 mai prochain de 20h, 20$ et 25$ taxes incluses. Wow, Grave! Oh! Hein? Ça fait longtemps que. Hey, ça doit être assez rare qu'ils viennent ici, eux autres. Ben, en show, ça aurait été assez disjoncté, ça. Ouais, mais il y a, pour les amateurs de musique que je connais. Plus tranquille, là. Ouais. De musique d'ascenseur. Musique de Farfadet. Il y a Kaamelott. Kaamelott. 2TE. Avec le roi Arthur dans le rôle principal. Ah non, on se mélange aux autres, là. J'appelle ça Kaamelott. C'est Merlin qui drame. Kaamelott, en compagnie Kaamelott. Al Storm, Blackguard et des Agonistes. C'est vendredi le 2 septembre au Club Soda. Et Grave seront en compagnie de Blood Red Throne, Pathology et Jigen. Hey, ça va être un show assez mortel, ça. Je pense que oui. dimanche le 4 septembre au Petit Campus. Il ne restera plus grand campus là-dessus. Hein? Non. En fait, peut-être même qu'il sera plus petit, mais bien agrandi. Ben oui, il va être agrandi pas mal. Donc, ceci étant dit, je vous parlerai un peu de cinéma un peu plus tard dans l'émission, parce que ceux d'entre vous qui viendraient se joindre à nous, parce qu'il est 21h04, eh bien, vous avez manqué la première heure, parce que nous faisions un spécial 3h cette semaine. Juste pour les gens d'Angleterre. Juste pour les gens d'Angleterre. Ça y est, je l'ai dit. Écoute, ça valait le bel applaudissement. Écoutez, c'est un inside joke, là. Ça serait trop long à expliquer. Non, on a décidé de faire un 3 heures parce qu'on avait l'opportunité de le faire. Mais c'était aussi pour rattraper un peu une portion d'émission qu'on avait pas, non pas omis de faire la semaine dernière, mais qu'on n'avait pas pu faire la semaine dernière parce que ça aurait été probablement, et sans mauvais jeu de mots, une émission de marde. Ça aurait été, oui, effectivement. Ça aurait été une émission très, très merdique. Oui. Bon, donc, vous venez de manquer la première heure, ceux qui viennent se joindre à nous, comme je l'ai dit. Mais peu importe, il vous en reste pratiquement deux. Et à l'instant, je vais vous faire écouter quelque chose, une pièce qui est assez longue, de 9 minutes et 8 secondes. Pas de Project 8, 1999. Ah, ben regardez-le. Oh, ben, regardons ça. Super spicace. Comment t'as fait pour savoir ça? Ben, une tourne de 9 minutes que toi, tu passes, normalement, ça doit ressembler à ça. Ah, c'est une excellente déduction, mon cher Watson. Ouais, ouais. Donc, on va l'écouter de ce pas, comme Sinistros l'a dit, de Project 8 1999, et la pièce qui porte le titre de A Revelation of Desecrated Heavens, qui est tirée du dernier album Bleeding the New Apocalypse. Excellent album. Mais ça, on va vouloir faire ça après la pause. Allô? Allô? Pourrais-je parler à Monsieur Leblanc juste une fois? Du lundi au jeudi, de 11h à 13h, ne manquez pas votre rendez-vous avec l'insolite internationale et la connerie humaine dans le dîner de cons sur C'est Fou 89. Dans le cul, dans le cul, dans le cul! Va te faire foutre, tiens! Toi aussi, va te faire foutre! Oh! Mais quel connard, ce type! Je m'appelle François Pignon et je suis le con que votre mari devait emmener dîner ce soir. Afrique, tous les jeudis matins à 9h05. Au programme de l'actualité politique africaine, de la musique, de la culture et du sport. Tour d'Afrique, un rendez-vous avec Rachel sur C'est Fou. QuébecPunkScene.net, le site d'actualité punk, ska, hardcore et emo du Québec. Liste de concerts mis à jour quotidiennement. Fiche détaillée de plus de 500 groupes québécois. QuébecPunkScene.net, c'est le site de référence le plus complet. Encouragez la scène locale sur QuébecPunkScene.net. À l'UQTR, c'est fou dans vos oreilles. Project 8 1989 et la pièce Revelation of the Secreted Heavens que l'on retrouve sur la dernière parution de quelques. Ça se cultive peut-être en mois maintenant. Bon, ouais, ben c'est, je pense que c'est octobre. Septembre ou octobre. Celui-là, t'es fou, toi? Ben non, ça se calcule en semaine, si tu veux. Ah, c'est. OK. C'est le dernier, ça. Ouais, Bleeding the New Apocalypse, qui a un autre titre qui est. C'est 2011, ça? Oui. Je pensais qu'il était 2010. Non. Donc, je disais avec un autre bout de titre qui est un peu trop long et un peu trop. Ah oui, c'est vrai. C'est moi qui ai mêlé. Excusez. Ben arrête donc, toi. Paru sur Season of Mist. Excellent album, excellent concept, excellente pièce, très bonne production. Les albums de Project 8 1989 sont tous bons. C'est 1999. 1999, c'est ça. Pas 89. 1999. Oui, 99 and a balloon. C'est ça. Ils sont tous bons, les albums. Ils sont tous bons. Il n'y en a pas un qui est moins intéressant que les autres. Ils sont tous très agressifs avec des structures qui sont beaucoup plus célestes, comme on a entendu par moment ici. Mais avant 2000, c'était pas la même fille, je pense. Non, pas du tout. Elle s'appelait. Je ne me rappelle plus. Elle. Mais elle avait une voix très similaire à ça. Là. OK. Peut-être un petit peu plus haute. Mais bref, Ruby Roke ici fait très très bien la job. Là. Bon, bref, ceci étant dit, il est 21h19 et si on veut être capable de passer au travers de tout ce qu'on a, ben va falloir peser un petit peu sur le gaz. Champignon. Voilà. Et toi, tu nous proposes quelque chose de très intéressant. Oui, quelque chose qui est un album qui est tabarnak. Ah oui! Effectivement. Ah oui. C'est une découverte monumentale d'un groupe qui a été formé en Suède en 2008. Et the real names of the band members have so far not been revealed. Not yet. Fait qu'on sait pas c'est qui. Apparemment, c'est un all-star band. Semblait-il. Mais qui joue là-dedans? Les paris sont lancés. On parle ici de la formation Ghost. Oui. Qui a sorti un album en octobre 2010 qui s'appelle Opus Eponymous, qui est réellement tabarnak. Ah oui, c'est un très bon album. Tout à fait. C'est ceux qui trippent sur Merciful Fate, garochez-vous là-dessus. Oui, vous allez vous reconnaître. Oh oui, oh oui. On s'entend que c'est un. Non, c'est pas du Merciful Fate. C'est non, non, non. C'est en tendance, mais à oui. saveur actuelle. Oui, c'est ça. Ben, c'est un mélange de heavy metal, doom metal avec du psychédélique rock. Exactement. C'est assez ouais. flyé, là. Une dose de prog à l'occasion, là. Ben oui, oui. Mais il y a le côté psychédélique qui est très important. Ben, ce qui est le fun, c'est les vocaux. Oui. Des harmonies vocales de même, là, je pense que ça fait un méchant bail qu'on n'a pas entendu. C'est intelligent comme musique. C'est à la fois, je dirais, original, même si ça réinvente pas la roue. C'est rafraîchissant. Ben, rafraîchissant, oui, c'est... Tu sais, on nous amène une dimension qui a pas été, je dirais, bien exploitée depuis bien longtemps. C'est ça. Puis tout le long de l'album, c'est une grosse prière à Satan, finalement. Oui, ça se sent tout le long de l'album. T'écoutes ça, puis c'est vraiment un peu le principe des années 70 avec Coven et compagnie. Là, ces ouais, bandes-là, ouais, là, ouais, c'est ouais, vraiment ouais, le même ouais. principe. But it's a joke. Hein, faut le savoir que les gars se prennent pas au sérieux. Non, non, c'est pas sérieux du tout. Là. Ouais. Mais c'est pas grave. Non, non, c'est le concept. Est là, c'est ouais. le concept mystique où que le chanteur, ouais. il a comme un crâne dans la face. Là, il est habillé de tempête avec sa croix à l'envers, sa mitre, pis le kit. Là, c'est vraiment pété. Ouais. Pis j'ai vu des clips live sur YouTube. Puis tu sais pas c'est qui. Les gars, ils ont tous des burs par-dessus eux autres. Ah oui, tu vois pas c'est qui. Tu sais pas. Tu peux pas le savoir pantoute. Ils ont tous comme des gens de. Ils ont carrément le visage caché, puis ils ont le capuchon de la beurre par-dessus eux autres, puis l'autre, il chante avec son masque c'est carrément débile. Ah, là, ça doit être cool. C'est vraiment pété. J'ai pas pensé d'aller vérifier qu'est-ce qu'il y avait comme clip là-dessus, mais je vais aller voir. Ben, il y a une couple de tunes live, comme Ritual, puis Elizabeth live, Stand By Him, c'est tout là. C'est vraiment, ah, c'est bon, ça. Là, tu nous proposes 5 pièces. Ben, les 5 premières pièces de l'album, incluant l'intro, Deus Culpa, Conclave Condio, Ritual, Elizabeth, qui se veut un hommage à Elizabeth Bathory, bien évidemment. Mm-hmm. Et la pièce Stand By Him, ça résume pas l'album, parce que cet album-là, je me surprends toutes les fois que je l'écoute. À un moment donné, voyons, il n'est pas déjà fini. Oui, puis il se doit d'être écouté en entier. Hein. Oh, il faut. T'sais, ça, tu fais play, puis c'est de A à Z. Là, ouais. Parce que c'est comme... tout s'enchaîne. Tout à fait. D'une tune à l'autre. Ouais, c'est vraiment, ouais, c'est spécial. Oh, ouais, c'est un album conceptuel. Oh, donc, oui, il dit concept, puis bon. C'est pas dissociable. Non, non, c'est vrai. Mais ici, pour les besoins de la cause, ben, puis pour avoir le temps de passer tout ce qu'on veut passer, ben, c'est quand même 5 bonnes pièces, là. Oui, oui, oui. Fait qu'on y va avec Deus Culpa et Con Clavi Con Dio. Et c'est parti. Ghost.

que c'était bon. Et puis c'est même pas fini encore. Il reste encore 5-6 tunes sur l'album. Mais que voulez-vous, hein? Toute bonne chose devrait avoir, non pas une fin. Pas une fin, mais une pause. Mais tu vois, quand tu regardes un album presque parfait comme celui-là, le prochain, il faut que ce soit à la hauteur. Là. C'est le problème. C'est le problème que beaucoup d'artistes et beaucoup de formations vont rencontrer. C'est que le premier album qui vont sortir va être vraiment ou au-delà bien, des attentes. Ou bien ce qu'ils font, c'est qu'ils en sortent un et ils en sortent plus jamais. Ça demeure culte c'est côté. C'est possible. Oui, mais ça, l'industrie étant ce qu'elle est présentement, à moins, ben écoute, si on parle de All-Star Bands, ce qui veut dire que... Ils ont chacun leur propre band. Leur propre projet, qui c'est probablement relativement lucratif, là, ou assez pour les faire vivre. Ils n'ont probablement pas besoin de ça pour... Parce qu'on s'entend-tu que, point de vue musical, si c'est des gars qui jouent dans d'autres bands présentement, et c'est pour triper qu'ils ont fait ça, là. Ah, ben probablement, oui, au départ. Sauf qu'ils peuvent être victimes de leur propre succès aussi, là. C'est sûr. T'sais? Mais effectivement, ton point est très bon, c'est que si le premier album est vraiment puissant, il est vraiment bon, le deuxième se est doit très d'être, dur. Oui, se doit d'être à la hauteur. Et c'est très dur à faire. Et souvent. Oui, moi j'en connais beaucoup de bands qui se sont plantés. Beaucoup. Crumbsuckers, ils se sont c'est plantés un bel pas exemple, à peu près. Effectivement. Eh bien, c'était la formation Ghost, formation très fantôme, effectivement, parce qu'on connaît pas les membres du band. Tout à fait. Tiré de l'album Opus Eponymous qui est sorti en octobre 2010 sur Rise Above Records. On a entendu Stand By Him, Elizabeth, qui se veut Ritual, Conclave con Dio et l'intro Deus Culpa. Et oui, ça parle de certaines religions, mais pas celle qui est soi-disant légale. En plus de satanisme. Un petit peu pas mal. Un petit peu pas mal, effectivement. C'est un très bon album, c'est une belle pochette, c'est une belle production. Oh, ça une sonne, bonne ça pièce. Sonne. C'est oh. un album. C'est pas du black metal, c'est pas du death, c'est pas du trash, là. C'est du heavy doom metal à forte tendance psychédélique. Et puis, ça s'écoute excessivement bien. 21h43, ben, en fait, avec tout ça, on est passé un petit peu outre de la publicité. Donc, on va aller en publicité dans quelques instants. Mais juste avant, je vais vous dire que qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je m'en rappelle plus. Effectivement, je m'en rappelle plus. Mais oui, c'est vrai, après ça, on va passer avec la présentation d'une partie de l'album de Tyrant of Death. Mais c'est tout de suite après la pause. On revient. Vous êtes étudiant en génie? La Banque nationale vous accompagne pendant vos études et vous offre un programme financier très avantageux, conçu pour vous et adapté à vos besoins. Rencontrez un conseiller dès aujourd'hui à votre succursale au 5620 boulevard Jean 23 pour en savoir plus. De plus, courez la chance de gagner un voyage dans les Alpes. Tous les détails sur banquedesingénieurs.ca. La Banque nationale, votre partenaire durant vos études. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Mettez-vous en plein la vue sur la relève. 5 au 23 avril, au Rialto, La Tulipe, Lion d'Or, Gymnase, Divan Orange et au Mai. 15 soirées exaltantes où originalité, nouveauté et découverte sont au menu de cette manifestation printanière unique. Ici Isabelle Blais, porte-parole du 16e Festival Vue sur la Relève, commandité par Loto-Québec en collaboration avec Québécois. Venez découvrir 38 nouveaux spectacles. Des créateurs de toutes les disciplines des arts de la scène vous en mettront plein la vue sur la relève. C'est un rendez-vous. Informations vuesurlarelève.com. Mamma mia, de la bonne pizza! Restaurant Botan Pizza, toujours 2 pour 1, au 3097 Boulevard des Forges, 694-2694, au plaisir de vous servir. C'est fou dans vos oreilles. 21h45 précisément ou pratiquement, et Nous allons passer à un autre segment après avoir entendu l'excellente, en fait, la moitié, à peu près, de l'excellent album de Ghost, Opus Eponymous. Nous allons tomber dans une vague un peu plus destroy, en fait, je dirais très machine, très électro-industriel, métal. Le nom de l'artiste est Alex. Son projet se nomme Tyrant of Death. Ça vient de Toronto. J'ai découvert ça par hasard. Ben, moi aussi, j'avais découvert ça carrément par hasard. Puis j'avais trouvé ça très, très intéressant. Moi, j'ai été complètement subjugué quand j'ai écouté ça, là. Honnêtement, j'ai vraiment découvert par hasard en fouillant sur différents trucs qui pourraient être des nouveautés. Je suis tombé sur ce nom-là. Je me suis rendu sur son truc MySpace. J'ai commencé à écouter ça. Je me suis dit, ouf. C'est pas reposant. Ouais. Je me suis procuré l'album et puis honnêtement, je dois dire que je suis très satisfait d'avoir et très heureux d'avoir connu ça. Donc bien, on va entendre 5 pièces. Proprement dit 4 parce que j'ai inclus l'introduction qui porte le nom de Tyrants of Death. C'est tiré de l'album Dark Space, qui se veut maintenant être l'avant-dernier album de il y a sous peu, là, quelques semaines à peine. Seulement quand j'avais projeté de le présenter, c'était le dernier album qui était disponible. C'est une autoproduction. En fait, je crois qu'ils sont tous autoproduction, ces albums. Il y en a quand même quelques-uns. Le dernier album, dont j'oublie le titre, que j'ai fait une brève écoute, m'a apparu un petit peu plus space en tant que tel, moins in your face, mais quand même, je vais le redécouvrir un peu plus de façon exhaustive dans les semaines à venir. Mais celui-là, Dark Space, ça vous laissera pas indifférent. Vous allez détester ou vous allez adorer. Mais c'est un des deux, ça c'est clair. Vous ne resterez pas froid à l'écoute de ces 5 pièces qui seront dans l'ordre. Introduction, Tyrant of Death, Dark Space, Sanctuary, Eradicate et ma préférée sur cet album-là. Et j'aime beaucoup le titre, Corpse Fertilizer. Donc, on écoute ça immédiatement. Go!

This is a monetary paradigm that will not let go until it's killed the last human being. Soumets-toi bien, reviens chaque mercredi de 15h à 17h. Toujours avec A2 et Selecta. La formule c'est toujours la même. On se met bien avec du gros hip-hop. Étudiants en génie, la Banque nationale vous accompagne pendant vos études et vous offre un programme financier très avantageux conçu pour vous et adapté à vos besoins. Rencontrez un conseiller dès aujourd'hui à votre succursale au 5620 boulevard Jean 23 pour en savoir plus. De plus, courez la chance de gagner un voyage dans les Alpes. Tous les détails sur banquedesingénieurs.ca. La Banque nationale, votre partenaire durant vos études. C'est dans vos oreilles. 89. Well, 22h10. Et je ne sais pas si vous avez survécu à ce dernier 19 minutes de... Peut-on appeler ça de la musique? Non, c'était un petit gros japonais dans son sous-sol. Ouais, c'était un geek, effectivement, qui compose des tunes en faisant son MySpace en même temps. C'était Tyrant of Death, et en fait, 5 pièces tirées du avant-dernier album, Dark Space. Moi, je suis complètement subjugué par cet album-là. Je trouve ça, j'aime beaucoup, là. C'est pas, je fais pas ça pour avoir l'air. Un geek? Ouais, là, pas du tout, là. J'aime beaucoup cet album-là. Je trouve ça extrémiste. Je trouve que c'est Hell on Earth. C'est l'exploitation totale de ces machines. De ces machines plus instrumentation. Non, c'est pas ce qui se passe chez eux, comme on disait en honte. On veut pas le savoir. C'est ça, Tyrants. Sont plusieurs tyrans. C'est peut-être le chat. Non, c'est Tyrant au singulier. OK. Ouais. Mais ça répète avec son chat et son hamster. Ouais, mais c'est celui de poisson rouge qui est là. Mais c'est Tyrant au singulier. On vient d'entendre Corpse Fertilizer, qui était précédé de Eradicate. Juste auparavant, Sanctuary, Dark Space et l'introduction Tyrant of Death. C'est une autoproduction qui est parue en 2011, donc c'est tout récent. Il y en a un autre qui vient de paraître à l'instant. Je sais pas si le gars sort un par semaine ou un par mois, j'ai aucune idée. Là, il peut faire ce qu'il veut, là. Il est pas tenu de signer aucun contrat. Mais par contre, moi, personnellement, cet album-là, ça va faire partie de mes top 2011, ça c'est certain. C'est trop distorsionnant, là. C'est du Twisted Mind Generator, ça, mon Sinistros. Oh oui. Je sais pas comment t'as trouvé ça. Déroutant. Mais comme je te dis, j'avais entendu un petit peu avant que tu m'en parles, là. OK. Ben, ça m'a pas... Toi, t'as pas accroché, là. Ben... C'est trop. Ben, c'est pas que c'est trop, c'est qu'à un moment donné, c'est comme moi, je trouve ça redondant. Là, ah fait. Oui, ça l'est, effectivement. Moi, je trouve que c'est rien que du drum. Énormément axé sur le drum et sur la bass, effectivement. Fait, puis t'entends des passes de synthé par-dessus. Ben, ouais, oui, effectivement, c'est... Mais moi, je trouve ça absolument là, disjonctant total. C'est sûr et certain qu'un rave là-dessus, tu prends pas, plus... Tu peux pas faire un rave là-dessus. C'est plus... Tu survis pas. C'est plus que de l'ecstasy, ça ouais. Prend. Mais ça, blague à part, j'ai fait le test là, fort. Là, c'est absolument capotant. Là. C'est capotant. T'écoutes ça fort, puis maintenant, tu sors de ton corps. ou tu dis à quelqu'un d'autre qu'une entité sort de mon corps. Sort de mon corps. Bref, il est maintenant 22h13 et Sinistros va nous présenter sa dernière proposition musicale de la soirée. Ben oui, une espèce de découverte spéciale que j'ai découvert finalement. Ben arrête donc, toi. Ben oui, j'ai découvert ça la semaine passée. N'est-ce pas là un pléonasme? Formation norvégienne qui s'appelle Gvelertak. Ben t'es pas sérieux encore. Gvelertak qui font un mélange de black metal et de punk rock. Ouais, c'est assez bizarre comme musique. Mais la musique, c'est assez... Ça, c'est un wow. Ouais? Ouais, c'est un wow. C'est une formation norvégienne qui est devenue sur Terre en 2007, excusez-moi. Donc, c'est pas leur premier album. C'est le seul et unique album. C'est le seul et unique album. Ouais, ça existe depuis 2007. C'est fondé de Erlid Elvik à la voix. Ah ben oui. Vidar à la guitare. Bjart Lund Roland à la guitare. Mayek à la guitare. Trois guitaristes. Marvin à la basse et Gjetil à la batterie. L'album est éponyme, s'appelle Grillertak, et c'est sorti en juin 2010. C'est sur l'étiquette Indie Recording. C'est la même étiquette qui nous a amené Vride les 4-5 derniers albums, je crois. Okay. Dans l'ordre, on va entendre les pièces Ulvetid, Mjod, Fossegrim, Blood Thirst et Offermat. Ben, on va aller découvrir ça parce que pour moi, ça va être une découverte. Ben, c'est spécial. C'est vraiment. Ça rentre, là. Ça tombe pas dans le black metal comme crasseux, fatigant. OK. Ça tombe pas dans le punk rock fifon, là. C'est vraiment une bonne dose des deux. C'est cool, là. Ben, allons écouter ça. Go! Yeah. Mettez-vous en plein la vue sur la relève. Du 5 au 23 avril, au Rialto, La Tulipe, Lion d'Or, Gymnase, Divan Orange et au Mai. 15 soirées exaltantes où originalité, nouveauté et découverte sont au menu de cette manifestation printanière unique. Ici Isabelle Blais, porte-parole du 16e Festival Vue sur la relève, commandité par Loto-Québec en collaboration avec Québecor. Venez découvrir 38 nouveaux spectacles. Des créateurs de toutes les disciplines des arts de la scène vous en mettront plein la vue sur la relève. C'est un rendez-vous. Information vuesurlarelève.com. Ce jeudi le 24 mars, l'Association étudiante de biologie médicale vous invite au Scoop Party au Monkey Night Club. On vous remettra une vis ou un boulon selon que vous êtes un homme ou une femme. Chaque couple qui parvient à faire le match de leur vis-boulon pourra se mériter un des nombreux prix. Procurez-vous vos billets près de la cafétéria de l'UQTR pour seulement 4$. Faites vite! Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. C'est fou dans vos oreilles. 80. Je te regardais aller Sinistros avec tes feuilles, là. T'avais l'air de lecteur de nouvelles qui se préparait à faire son bulletin. Merci. Bonsoir. Le téléjournal. Le téléjournal. À colorier de Sinistros. C'est cela. Merci. Bonsoir. Eh bien, c'était la formation Gvelertak. Faudrait présenter ça à Kadhafi, finalement. Ben oui. Non, mais tant qu'à faire bulletin de nouvelles, tu peux. Oui, tu t'en travailles tout ça. Bon, on mixe tout au complet. Ben oui. Formation Gvelertak avec l'album éponyme paru en juin 2010 sur l'étiquette Indie Recordings. On a entendu des pièces Offemat, Bloodthirst, False Grim, Mjord et Ulvetid. C'est disponible partout. Et comment ils ont dit qu'ils appelaient ça? Ils se qualifient de brutally catchy punk rock metal with a taste of groovy darkness. Bon, ça ressemble pas mal à ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. Oh, ouais, c'est très bon. J'ai beaucoup aimé. C'est très intéressant. Puis contrairement à ce qu'il aurait pu tomber dans la facilité, non, ils ont des espèces de contre-temps à un moment donné qui viennent. C'est vraiment cool. Un petit côté rock and roll. Whoop, après ça, ça tombe un peu plus black. Après ça, ça tombe un peu plus... plus punky. J'aime bien ça. Bon. Les gars affichent pas du tout. Hein. Ils ont pas l'air de ça partout. Non, pas. Allez faire un tour sur le site de vertac.indirect.net. Vous pouvez pas les manquer. Il y a une grosse photo d'eux en accueil du site. Puis vous allez voir qu'ils font vraiment pas la musique. Ben, en tout cas, il y en a deux moins là-dedans qui, on dirait que c'est de 1970, là. Ben, ils ont tous l'air un peu outsider, là, de venir, d'une école d'ébénisterie ou je sais pas quoi, là. Non, c'est vrai. Ils ont tous étudié à la TUC. Ouais. Ben, ils sont d'ailleurs posés dans le bois. En foresterie. Ben, c'est une belle découverte, ça, mon sinistre. Ouais, c'est très bon, ouais, ça. Je vais me procurer ça. Et moi, j'aurais pas le choix de vous quitter. Ben, ouais, parce que toi, si tu veux pas te ramasser avec un constat d'infraction. Je suis parqué en double, finalement. Oui, parqué en double depuis 8 heures ce soir. Sur la rue des quatre flashers. Sur le boulevard des Forges. Oh, ouais, je suis quatre flashers, moi, là. Ouais. Si ta batterie est encore bonne. Là, c'est le char marché, oui, hein, aux autres. Bon, mais écoute, la semaine prochaine, Sinistros, rappelle-nous qu'on a des invités. Oui, on a la formation Beyond Atrocity qui seront avec nous en studio pour présenter leur premier EP qui sort, bon, dont ils font le lancement au Nord-Ouest Café le 2 avril. Ça va être avec Hopeless Nation et State of Mind. Je pense que c'est à partir de 20h. Et pour 10$, vous avez droit au spectacle et au CD, si je me ne trompe pas. Bon, ben on va les avoir en studio. On va avoir les 5 membres du band en studio. Ben, supposé. Supposément. Bon, théoriquement, on devrait les avoir. En fait, tous, nous devrions les avoir ici même. C'est sûrement très intéressant d'entendre parler cette formation qui est typiquement mauricienne. Oui. Moi, je vais continuer musicalement, en fait, encore minimalement au moins une bonne quinzaine de minutes, là, jusqu'à temps que je tombe littéralement de sommeil, parce que je suis complètement brûlé, là, honnêtement. Là. Ouais, il me parlait tantôt, puis m'en est, oui, pitchon, pitchon, pitchon, pitchon, pitchon, bonsoir. non, je me suis couché tard un petit peu hier soir aussi, donc, et je me lève très tôt, donc, à un moment donné, moi aussi, mes batteries commencent à faiblir. Ouais, mais on pue 20 ans, hein? Ça fait, en ce qui me concerne... une couple d'années. Une couple de décennies. Sinistros, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Et puis, jusque-là, ben toi, on va te faire foutre. Ben c'est ça, je m'en vais faire de ce pas. Nous autres, on continue avec la formation DAF et la pièce Double Tap Suicide que l'on retrouve sur le dernier album éponyme de cette formation. Pourris, bando. Ouais. Qui est paru en 2010 sur le label Century Media. Go! La formation DARF et la pièce Double Tap Suicide que l'on retrouve sur l'album éponyme DARF qui est paru en 2010 sur Century Media. Une excellente formation, un très bon album. Si vous connaissez pas l'album, ben, en ayant eu l'échantillonnage de cette pièce-là, ça vous donne une idée possiblement entière de la qualité que vous allez pouvoir retrouver sur cette dernière parution de cette formation. Il est maintenant 22h44 minutes. On va pratiquement se laisser sur une dernière pièce avant que je tombe d'inanition littéralement. Pour conclure cette édition de réanimation, quoi de mieux que de terminer sur une excellente note, celle de Behemoth. Et une pièce tirée de l'album The Apostasy, qui est un excellent album. En fait, je veux dire, la formation est vraiment bonne. La pièce Liberté May, que l'on retrouve sur The Apostasy, qui est parue en 2007 sur Century Media. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé d'aller voir quelles sont les formations qui ont été ajoutées, inscrites officiellement pour le Heavy MTL 2011, qui se tiendra le samedi 23 et dimanche 24 juillet prochain au Parc Jean-Drapeau, eh bien, le dimanche, en fait, est, je vous dirais, aux trois quarts annoncé, ce qui n'était pas fait depuis, en fait, on l'attendait beaucoup depuis le début mars. Ça a été fait, je pense, c'est aujourd'hui. Vous pouvez, en fait, constater qu'il y aura Devil Driver, Times of Grace, The Sword, As I Lay Dying, Children of Bottom, Anthrax, Opeth, Motorhead et Kiss. Donc, personnellement, moi, j'y serai. Parce que, ne serait-ce que pour les quatre bandes qui ferment le festival, ça vaut vraiment la peine, ça va vraiment être cool. C'est quand même pas le Big Four, mais on a quand même Anthrax, le Big Four, ce qui est pas, on n'a pas tout perdu. Donc, je pense que ça risque d'être assez intéressant. Bon, des formations Devil Driver, Time of Grace, que je connais pas vraiment, Zarley Dying, je suis moins sûr là, que je vais trouver ça à mon goût. Mais malgré que s'il y a seulement quatre formations qui me plaisent vraiment, ben c'est peu cher de la formation pour y assister dans un environnement qui est tout à fait intéressant, convivial, full of happiness et très bien rodé, je dois dire. Il n'y a pas de temps mort. C'est une organisation, si je me fais l'an dernier, qui était vraiment quasiment impeccable. Donc, on va se laisser sur une pièce de Behemoth, Liberté May, qu'on retrouve sur The Apostasy la semaine prochaine. On se retrouve avec une édition qui va être avec invité, comme Sinistros l'a dit tout à l'heure. Et puis, en attendant, d'ici là, vous savez quoi? Allez tous vous faire foutre, cause I said so. Good night! Yes, I will get everything in here. Flame of blue, and it comes to my eyes.